a de repos que pour celui qui cherche. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Tout est toujours à recommencer. Mais dites-moi encore où trouver le chemin. Que j'aille plus loin. La vérité, la vérité est une poignée d'eau de la source. La vérité. De repas que pour celui qui mange. Tout est toujours à recommencer. Nous marchons sur nous-mêmes comme un bétail perdu. Le mensonge est collé aux semelles de nos souliers. La vérité, la vérité est comme la fumée. La vérité, la vérité. De retour que pour celui qui part. Tout est toujours à recommencer. Ils ont mis des cailloux dans le bout de nos souliers, et puis ils sont montés sur nos larges épaules. Thank you.